Chers amis de pianistes, aujourd'hui, nous allons travailler sur Georgia. Georgia, un thème de Hoagy Carmichael. En fait, c'est lui le compositeur, mais évidemment, il a été rendu célèbre par Ray Charles. D'où, voyez, cette fois-ci, j'ai dû m'adapter à la situation. Alors, j'ai fait un petit arrangement pour le piano qui n'est pas très facile quand même, parce qu'il y a des accords avec beaucoup de notes. Alors, prenez votre temps et vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les notes. Donc, voilà ce que je propose. Ça, c'est Georgia, version maison. Alors, vous avez vu, beaucoup de phrasés, beaucoup de ghost notes, beaucoup de ce qu'on appelle des appoggiatures en langage châtié. Ça vient aussi du blues. Hein. Tout ça doit faire sonner le piano comme si c'était de la voix humaine. Là, c'est pareil. Répétez autant de fois que vous voulez, et pour jouer l'accord suivant. Ce qui est intéressant, j'ai pas mis la tierce, ça sonne mieux. Voilà un ré mineur avec une quarte au milieu, ça sonne assez rond, assez chaleureux. Ça c'est intéressant parce qu'on fait un tri dans les voix intermédiaires, dans le ré qui est là, et en sortant la mélodie, en dehors. Alors là, vous voyez, il y a des phrasés absolument partout. Dans le mouvement. Et là, un amorti, on va jouer le accord suivant, pianissimo. Pour que ça marche, pour qu'il y ait un joli son sur un accord comme ça, il faut essayer de jouer toutes les notes en même temps, en n'ayant qu'une seule attaque. Et toutes les notes égales, si possible. Voilà. Et ça, ça donne un son très feutré, très intéressant. Après, on peut jouer un autre son pizzicato attaqué comme ça. Les contrastes entre des dynamiques puissantes et des accords très amortis vont donner beaucoup de vie à un blues. Et là, un petit peu de phrasé gospel ou blues. Il a une spécialité d'Oscar Peterson qui sont les trémolos. Alors vous agitez tous vos doigts sur l'accord. Un petit peu en désordre, comme s'il y avait plusieurs musiciens qui jouaient désynchronisés. Et on descend chromatiquement les voix inférieures. Là, on va garder les deux notes du haut et on descend la main gauche. On tient un accord de ré bémol 7 altéré. Et on fait un petit phrasé pour aller sur... on a terminé la mesure, on reprend avec un phrasé blues. Ça, c'est très joli à la main gauche, vous pouvez vous entraîner la fondamentale, la quinte, et un emprunt à la sous-dominante, si bémol, mais avec le l'appoggiature du bas, très puissante. Et là, amorti, très piano, toujours le même système, forte, piano, mais legato. Blues à nouveau avec les ghost notes et les phrasés. Alors là, le même accord qu'au début, mais cette fois-ci, on fait un phrasé sur le pouce main gauche. J'ai la sixte qui va monter et qui va continuer sur la quinte bémol du La 7 jusqu'au quinte naturelle du La 7. Donc un phrasé chromatique ascendante aux voix internes. Pendant ce temps-là, mon sax baryton va chercher la basse en faisant un phrasé aussi. Et là, on a des accords mineurs avec des onzièmes. Le sol. Le sol, c'est la quarte, mais redoublé, ça fait une onzième. Je refais mon système d'accords staccato fortissimo qui va, vous voyez, sur l'enchaînement. Je le refais. Là, j'ai un accord de basse, comme une guitare sans la basse, justement, sans le fa, c'est un fa 7, et je peux phraser blues au-dessus. Et cette fois-ci, je vais sur un si bémol majeur, contrairement au début. Un petit phrasé, un petit voicing, toujours en note interne. Alors là, c'est un accord diminué un petit peu. Posé gentiment comme une harpe, mais à l'envers. On dit arpégé à l'envers. Au lieu de faire de bas en haut, je fais de haut en bas. Et continuer sur cet accord diminué avec la note qui complète l'accord. Un accord un peu complexe parce que c'est la superstructure de l'accord diminué. On y reviendra sur mon site plus tard. Maintenant, on a toujours la mélodie qui prime, qui doit être toujours en dehors sur un accord où la quinte est à la basse. Maintenant, encore des chromatismes pour jouer cet accord, l'amorti toujours. Et coda. Et là, on descend par degrés, en gardant le fa toujours en haut. Le Do 7 altéré. Et c'est toujours intéressant de finir d'une manière inattendue. Avec un accord de Si altéré. Bienvenue dans ce standard extraordinaire de Hoggy Carmichael qui a été écrit il y a très longtemps, que Ray Charles a donc repris avec succès et bien d'autres artistes encore. L'arrangement n'est pas très facile, il y a beaucoup de notes, vous n'êtes pas obligé de tout jouer. Mais moi, je vous souhaite bon courage et si vous y arrivez, ça va très très bien sonner, je pense, au piano solo, ça. Après, vous pouvez chanter par-dessus, c'est encore mieux. À vous de jouer.